Chapitre 4. Lorsque Louise et les enfants rentrèrent, Honoré n'était heureusement pas encore arrivé. Le jour allongeant, Fréjol, profitant de la clarté, rentrait de plus en plus tard, mais plus fatigué par un temps de travail de plus en plus long. Sans un mot, il se laissa tomber sur une chaise qui craqua sous son poids. Il mit les coudes sur la table, la tête dans ses mains, et sembla se reposer ou réfléchir. Louise vint poser les mains sur ses épaules, puis plaça un verre de blanc devant lui, sur la table. Il étira la peau de son visage, comme pour en enlever la poussière et la fatigue, but juste une gorgée de liquide. Aucun mot n'avait été échangé. Les deux gamins vinrent se placer de part et d'autre contre leur père, quémandant une caresse ou un mot gentil. Honoré les regarda alternativement, un peu comme s'ils étaient tombés du ciel, mais il ne les toucha pas et il ne leur dit rien. Dépités, les deux garçons ressortirent jouer dans la cour, devant la maison. « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» demanda Louise. « Ce que j'ai fait, ben j'ai travaillé, tiens, pardi. »« Je sais bien, Honoré, mais tu as fait quoi ?» insista-t-elle. Louise pensait qu'en s'intéressant au travail de son mari, elle le soutiendrait moralement et lui donnerait du courage. Honoré daigna répondre, mais on sentait à son ton que c'était à contre-cœur. « J'ai travaillé le bout du champ du côté du gros amandier. Je vais y mettre des plants de tomates. Il va te falloir des piquets. »« Les piquets, je les trouverai, » répondit-il sèchement. « Moi aussi, j'en ai planté des tomates, » avança-t-elle timidement. Honoré vida son verre cul sec, le reposa bruyamment sur la table et laissa tomber. « Ouais, mais t'en auras jamais autant que moi. Et puis tu t'en occuperas le dimanche. » Au fond d'elle-même, Louise était découragée car elle voyait bien que tous les efforts qu'elle faisait pour engager un dialogue étaient vains. Son mari semblait en avoir assez d'elle. Assez de travailler, assez d'être là. Assez finalement d'être dans son corps et dans sa tête. « Je m'en occuperai, t'inquiète pas, » répondit Louise, conciliante. Comme sous l'effet d'une décharge électrique, Honoré se leva si brusquement qu'il en fit tomber sa chaise et leva la main sur Louise qui recula. « Oh, Miladio, » dit-il les dents serrées, « si je ne me retenais pas. »« Mais qu'est-ce que je t'ai fait encore, Honoré ?» demanda-t-elle, craintive. « Ce que tu m'as fait ? Mais rien, justement, tu ne fais rien. Tu vois qu'on est dans la cagagne et tu ne fais rien. Tu vas, tu viens, tranquillement, alors que moi je m'échine. »« Mais je m'occupe de la maison, Honoré, du linge, des enfants, du jardin. Je vais au marché, je t'aide le dimanche avec les enfants. »« Ce n'est pas de ça que je te parle. Tu sais bien de quoi, va. » Tu pourrais vendre ce que t'as à Roquemort, alors qu'on vit ici comme des gueux. » Honoré, pour la énième fois, venait d'aborder un sujet sur lequel Louise était intraitable. « Je t'ai déjà dit 100 fois que si je vendais le peu que j'ai, c'est comme si on mettait le feu au billet de banque. En un rien de temps, il ne nous restera plus rien, et on sera une main devant, une main derrière. Et après, ce sera ou l'hospice ou la prison. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre, ça, non ?» Honoré s'était mis à tourner autour de la table. On pourrait emprunter en hypothéquant les biens. Ça serait toujours au moins ça. Ce fut au tour de Louise de se mettre en colère. Encore une fois, elle allait devoir lui expliquer ce qui lui paraissait évident, ce qui l'énervait. C'était surtout de constater qu'il était bête. « Je t'ai déjà dit que cet argent ne servirait à rien. C'est reculer pour mieux sauter, et après, non seulement on sera dans la même situation, mais en plus, j'aurai perdu mes biens, et il nous restera les dettes de surcroît. Tu peux le comprendre, ça ?» Honoré balança un bon coup de pied dans la chaise sur le sol et sortit en fureur dans le jardin. Louise l'entendit glapir. « Foutez-moi le camp, vous deux !» Louise était plus âgée qu'Honoré. Son premier mari disparu lui avait laissé l'entière responsabilité du peu de biens qu'il possédait. Elle était plus rompue aux affaires et son raisonnement était frappé au coin du bon sens. La précarité ne la gênait pas pour elle-même. Elle s'était mariée autant par amour que par souci de stabilité, mais... elle n'en démordrait pas, hypothéquer l'avenir de ses enfants était impensable. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle s'était mariée sous le régime de la séparation de biens. Il faudrait en toucher un mot au père Bernac, pour voir ce qu'il en pensait, et aussi pour trouver quelqu'un qui abonderait dans son sens. Honoré la déstabilisait tellement qu'elle doutait quelquefois du bien fondé de sa décision. Les vacances arrivèrent, laissant les garçons à la vindicte de leur père. Un nouvel événement vint faire littéralement flamber la colère et la paranoïa d'Honoré. Le commissaire le convoqua pour affaire le concernant. Pensant qu'il s'agissait de papiers militaires, Honoré manqua défaillir quand le commissaire lui annonça que le père qui faisait la classe à ses enfants avait remarqué des traces de coups sur les deux garçons fréjoles, ce qui fondait à penser que ces gamins étaient battus chez eux. Pour l'instant, il n'y avait pas de dépôt de plainte. Le commissaire prévint pourtant Honoré que si des traces s'étaient encore relevées, si quelqu'un était témoin d'un tabassage, il serait déféré devant le juge d'apte sans délai. Autrement dit, s'il tenait à rester en liberté, il fallait que pendant les vacances, il numérote ses abattis, selon l'expression du commissaire. De rage et pour passer sa colère, Honoré se livra à un holocauste en règle sur quatre malheureuses poules. Après les avoir égorgées et étripées, il les jeta dans le feu, ce qui emboucana tout le quartier et fit perdre la vente de quatre volailles.